qu'elle est morte. Par contre, oui, faudrait que tu me dises. D'accord. Qu'est-ce qui est dit là? Kebel Gelevera. Kebel Gelevera. Bekeleva. Abracadabra. Non, je sais pas. Ah, tu sais pas non plus. Non, mais que... non, non, mais tu sais, si elle dit. Excusez-moi. Ah ouais. Je sais, regarde, je crois. Un écoute, peu. Écoute. Ah. Ah non. Si, mais si, écoute, c'est excusez-moi. Ouais. Écoute. C'est excusez-moi. Dites dans les commentaires ce que vous entendez, parce que moi j'entends excusez-moi. Pas. Excusez-moi. Excusez-moi. Tonaï! Ouais! Quel plaisir, bon Jack! Quel plaisir de se retrouver ici. Putain, j'ai de la poussière ici. J'ai tout un peu gorgé. Ah, moi aussi. Ah. Ah, puis je suis bien réveillé aujourd'hui. Ah, bah ça fait plaisir. Ouais. T'as déjà fini ton café? Ah ouais. Putain, mais t'es un dingue. Bah ouais, ouais. Non, mais j'en avais besoin. Ok. Ah, j'attendais pas à la fin de, ok. Ouais, bah ouais. Non, mais t'as bien raison. Bah, écoute. Bon, on se retrouve à nouveau pour une petite rétrochronique. Ah oui, c'est vrai. On fait ça, normalement, tu sais, on se retrouve et on discute et on parle de la musique. Non, mais à chaque fois, j'oublie que je viens, pour ce but-là. Moi, tu es à la base, je viens. Oui, tu viens, tu dis. Jacques, bah, ça, non, mais, et puis. Un petit café. Puis moi, tu dis à chaque fois, on va peut-être pouvoir discuter de trucs. À chaque fois, je te fous un micro devant la gueule et à chaque fois, on est parti. Ah, on enregistre, là. Ah, non, ça, c'est vrai. Et je te l'ai déjà fait, celle-là. Ah ouais, tu me l'as déjà fait. Et puis moi, je suis toujours tombé dedans. Non, là, je suis concentré, là. Alors que quand même, il y avait deux, trois indices. Ouais, le micro, la couleur du la couleur, du truc qui rouge. J'avais pas enregistré aussi quelle couleur. C'est vrai, dire c'est vrai. Que... il y a que deux en même temps. Ouais, Je suis pas assez attentif. Est-ce qu'on perdrait pas de temps et tout de suite un petit générique? Oh, bah faisons ça, tiens. Bah vas-y. Alors. Ah oui. Oh là là. Pas de générique. Faudrait que je bosse les génériques. Mais non, c'est ma faute, c'est moi qui ai pas bossé, j'aurais dû les faire en amont. Ouais, mais t'es overbooké. Non, non, non, non, pas autant que toi, gars. Allez, c'est parti. Et je peux le faire sans me faire engueuler. Je me rappelle une époque, je me faisais engueuler. Tonai, arrête de taper. Eh ben, en fait, c'est marrant parce que pendant, c'est exactement ce que je veux dire. Arrête de taper, ça s'entend énormément. Bon, c'est bah, du coup, générique. Où je le place avant le générique? Je le place à quel moment? Parce que du coup, je suis perdu. Ah, maintenant, let's go! Débekeleva. Et oui. Entendu, j'ai dit excusez-moi. Je suis pas sûr, hein. Vraiment pas sûr. Donc, putain, j'ai toujours des problèmes avec ma voix. Hein, bah c'est ouais. Que je l'ai lâché. Tu n'as pas Stivalda? Non, non, j'ai pris plein de trucs différents. J'ai tout testé. Ça sert à rien de journée, quoi. Genre, t'en avais amené exprès? Pas du tout. Non, normal, c'est beaucoup mieux là déjà. Mais c'est vrai que je me suis traîné un peu de calme t'es au travail. Quoi, tu t'es traîné quoi? Bah, la gorge où je parlais plus. Ah, j'ai eu peur. Je croyais que t'allais me sortir une maladie de je sais pas où. Ah non, bah c'est peut-être le cas. Arrête. Mais je sais pas. Ah oui, c'est vrai. C'est peut-être non, le cas. Non, t'aurais une tête de possédé. Tu l'as? Ah, hein? Des fois, quand tu ah non, t'es malade pas. Et que tu le sais pas, bah, ça se voit à ta tête. T'as une tête un peu de possédé comme ça. Mais c'est quoi le rapport avec ce que tu l'as? C'est ça, là, j'ai pas de, c'est pas une référence à quelque chose, c'est juste. Ah oui, faut pas le dire peut-être. T'as pas vu? Bah, tu me dis le. Ouais, t'as vu le Discord. Mais t'as pas tout vu sur le Discord, toi. Ah si, oui, d'accord. Ah putain, mais comment tu veux que je pense à ça? Mais bah, c'est vrai qu'il est un peu tôt, hein, excuse-moi. Non, c'est pas ça. Non, mais comment tu veux que je fasse le lien avec le Discord? Bah, il faut. De tous ces gens qui veulent aller à un apéro illusoire, là. N'importe quoi. En plus, je comprends pas. Ouais. C'est pas du tout l'endroit pour parler de ça. Mais c'est ce que j'étais en train de dire. Il a tout confondu, le père. On n'en parle pas là, mais c'est pas grave. On y va. On va vous parler d'un alors pas d'un groupe. Je suis déçu. Mais non, mais. Non, mais, mais non, mais parce qu'après. On n'a pas le temps. C'est vrai. Okay. C'est, on en parle juste après. Ou, au fait, on fait ça sur plusieurs chroniques. C'est ouais, tiens. Des ouais. On va parler d'un. Pas vraiment d'un groupe, mais plutôt d'un musicien. Que dis-je, d'un artiste? Oh oui, utilise les bons mots. Qui vient de Norvège. Mmh. Et qui vient pour la 5e fois en solo. Ah oui. Mais qui est déjà venu d'autres fois, oui, pas en solo. Oui, oui, oui. Parce que bon, le gars, il a quand même un petit peu l'habitude, c'est un peu chez lui maintenant. Il a les clés. Ouais. Et je veux donc bien sûr parler de Ishan. J'allais le dire. Alors, pourquoi est-ce que j'avais déjà envie de parler d'Ishan avec toi? C'est parce que je me suis dit, ça, c'est quelqu'un qui est tellement... il a un éventail de possibilités musicales et de tout ce qu'il propose depuis le début de sa carrière que il y a forcément, ça va faire résonance avec Tonaille, j'en suis sûr. Je connais mon Tonaille et je sais qu'on va pouvoir en découvrir quelque chose. Donc, ah bah là, Ihsan, de son vénom Vegard Vert Zeltan, est né en 75. Oh, il est un petit peu plus vieux que moi. Un petit peu plus vieux que nous, tu peux même dire, c'est gentil. Mais il est surtout connu sous le nom de scène Ihsan pour sa participation, enfin sa création, parce qu'il est fondateur, chanteur principal, guitariste et claviériste du groupe Emperor. Ah d'accord, ok. Donc c'est lui à la base qui a vraiment tout fait, donc quand même la figure, une grosse figure du black metal des années 90. Mmh. Sachant que si c'était en 90 et qu'il est né en 75... Il était pas vieux le gars. Hey, non, carrément. Donc, en fait, mais faut savoir que ça a toujours été un peu un musicien. Il a commencé très très tôt le piano la guitare. Ouais. Et c'est là d'ailleurs dans une espèce de, comment on appelle ça, je l'ai marqué là. Une école de musique. C'est un peu ça. Ouais. Il a joué du piano à l'âge de 6 ans et de la guitare à l'âge de 10 ans. Ouais. Et à l'âge de 13, il va rencontrer Thomas Hogan, également connu sous le nom de Samoth, qui va après devenir son collaborateur au sein d'Emperor. Oui, oui. Donc oui. En fait, tu vois, en fait, et c'est lors d'un séminaire de musique qu'il est attiré par un mec qui a des écussons Iron Maiden sur sa truc, et donc après ils deviennent potes. Et là, ensemble, ils découvrent. Et puis, en fait, c'est l'un et l'autre qui commencent à se lancer dans le. Enfin, au début, ils commencent d'abord par faire un groupe de black metal avec justement Samoth, et où ils jouent des guitares et des claviers. Puis après, bah, ils publient une démo, ils font des trucs. Après, ils changent de nom de groupe. Et après, ils arrivent en développant leur art, leur musique, et ils créent Emperor et ils commencent un peu à faire. Un peu du black metal qui va être reconnu. Alors bien sûr, Emperor est aussi reconnu pour quelques excès. Oui, je me suis renseigné un petit peu. À savoir que pas du tout Ihsan. C'est pas des enfants de cœur. Mais les deux autres compères, il y en a, enfin ils ont brûlé des églises et il y en a un autre même qui a été accusé de meurtre. Enfin, il a été même coupable de meurtre, et il a été emprisonné. Alors par rapport à ça, lui Ihsan, il est un petit peu resté un petit peu en retrait. C'est l'enfant sage du groupe, lui, non ? Oui. Alors je suis pas sûr, mais je pense qu'il a Non, je pense que soit il avait pas, c'était pas vraiment pas son genre de faire ça. Et en fait, j'ai deux théories. Ma première, c'est que c'était un enfant plutôt de bonne famille, parce qu'en fait, pendant que tous ses potes ils étaient enfermés en prison et ça, lui il devait être dans une résidence secondaire de sa famille, train de se concentrer à composer la musique. D'accord. Donc, en même temps, mes deux théories se rassemblent, ou mon autre théorie était juste que, comme artistiquement, lui, c'est vraiment le plus artiste du groupe. Ouais. En mode, c'est un musicien. Il a pas le temps, faut qu'il fasse. Ouais. Bah, en fait, quand tu regardes bien, même dans les débuts, il était déjà en train de faire des trucs avec sa femme. Dans les années 90, il était quand même déjà en train de faire de la musique avec, il a toujours eu plein de projets en même temps. Donc, il fait de la musique avec sa femme. Mm-hmm. Sa femme, qui a comme nom de famille Solberg. Ah oui. Rappelle-toi, on en a déjà parlé. Oui. Et qu'en fait, il est donc le beau-frère de Einar Solberg. D'accord, voilà. Ok. Ah, ils ont fait C'est pour ça que même au début mais à un moment donné, Ihsan, quand il s'est lancé en carrière solo, ce qui a un peu mis le temps, il prenait Liprous en première partie. Oui, j'ai vu ça. Donc aussi, mais il a fait vraiment énormément de créations musicales. Il a fait beaucoup de choses. Et en fait, c'est une œuvre qui est ultra riche. C'est-à-dire, c'est une fois qu'Emperor a été terminé, déjà ils sont revenus plusieurs fois et aujourd'hui ils sont réactifs et il est toujours dans Emperor. En fait, Ihsan, il a passé du temps à vouloir continuer à faire de la musique. Sans se limiter forcément à du black metal. Aujourd'hui, il est capable de nous proposer des trucs presque de la musique de film, presque des longues plages musicales sans truc, ou alors du pur black metal comme à son habitude. Ouais. En fait, il a pas de limite. Créativement parlant, il va dans tous les niveaux. Et en fait, c'est aussi ça qui est intéressant. Oh, il y a quand même une vraie racine black quand même. Il y a une racine black, mais sans se limiter à ça. Non. C'est ça que il se limite pas à ça. Il peut aller dans beaucoup de sens différents et en faisant venir beaucoup de d'autres musiciens, d'autres groupes. Ouais. Il n'hésite pas du tout à faire des featuring. En fait, j'ai l'impression que son projet Ihsan, qui est vraiment son projet à lui, il s'en sert comme d'un une espèce de grand laboratoire. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il est en développement constant. Toujours, c'est ça. Ouais. Et en plus, en général, chaque album a une espèce de, sans être des albums consèques, mais une espèce de couleur ou d'envie particulière, quoi. Mais en même temps, tu regardes bien, les pochettes sont ultra travaillées. Ouais. Même en général, c'est un mot ou deux. Enfin, il y a un truc dans la recherche de ce qu'il fait. Il est maître de son art, quoi. Il essaie vraiment de proposer quelque chose. Tu vois, il s'est. Oui, puis ça arrête pas à la musique. Comme tu dis, les albums sont travaillés, donc j'imagine qu'il pousse encore plus loin. Ouais. Il a mis beaucoup de temps déjà à avoir son propre studio à lui. Une fois qu'il l'avait, il s'est dit, je me lâche. Il va passer des journées entières à faire ça, quoi. On sent la passion. Quoi. Et tu sais qu'il s'est lancé en solo il s'est pas lancé en solo qu'à cette époque-là, mais il a joué pour la première fois qu'en 2019 en live. Ah oui, j'avais. Donc il a mis vachement de temps en fait parce il a tellement de projets parce qu'il continue d'avoir des trucs avec sa femme qui participe aussi à Ishan. Tu peux retrouver plein de musiciens sur truc, que ça soit du Devin Townsend. Enfin, il y a pas trop d'arrêt. Et quand en plus tu vois sur le dernier album qu'il a sorti l'année dernière, il l'a sorti et c'était prévu depuis le début. Il l'a sorti en deux exemplaires. Une version que symphonique, où il n'y a pas de chant. Rappelle-moi duquel tu parles là. Le dernier album. Ah, le dernier, ok, d'accord. Le dernier. Ishan. C'est Ishan, c'est exactement ça. En fait, lui, il voulait directement le sortir sous deux formats séparés. Et donc, il voulait arriver à faire du black metal et en essayant de mettre la barre un peu plus haut avec une utilisation d'un orchestre. Et en fait, il se dit, associer les deux, je l'avais déjà fait par le passé. Il a dit que c'est pas si difficile, mais d'essayer de faire en sorte que la musique fonctionne ensemble et séparément, ça, c'était la première fois qu'il voulait. D'accord. Okay. Et c'est vrai que ce matin, je réécoutais une chanson de l'album où il chante et tout ça, qui est déjà un peu plus, je sais plus laquelle c'est exactement, mais qui est un peu plus mainstream, je trouve. Elle a un refrain qui est très accessible. Je me suis dit, putain, elle donne quoi en version sympho? Et quand j'ai été écouté, bah, c'est pas la même chanson. Ah oui, carrément. Ouais, bah, tu retrouves la ligne musicale, mais. Ouais. Pas les changements pareils. J'ai dit, putain, c'est donc du coup c'est vrai que ça rend le truc intéressant. Ça reste intéressant d'un point de vue artistique. Je suis pas forcément convaincu du résultat musicalement, mais le gars vraiment se fait chier quoi. Il se fait chier à chercher ça. Faut savoir aussi qu'il est aussi prof de musique parce que donc il a même donné des cours un peu sur internet, mais il en donne aussi dans sa ville et il a été récompensé de pas mal de trucs en fait. Il a été nommé pour les Grammys norvégiens avec son troisième album. Il a reçu le prix de la culture de la municipalité de Notodden. Parce qu'il est considéré comme l'habitant le plus connu de Notodden. Ah. Voilà. Un grand musicien, professeur de musique, et il en organise de nombreux concerts pour des groupes inconnus. Voilà. Et le fait que son groupe se soit vendu à plus de 500 000 exemplaires a également été une raison pour laquelle il a remporté le prix. D'accord. Voilà. Et, un fun fact pour toi, Tonal, qui va te plaire. En 2007, il a prêté sa voix à un personnage animé du dessin animé Metalocalypse. Ah. C'est Eric von Wedlingsgringamer dans l'épisode Dash Fashion. De la saison, oui. Bah ouais, je l'ai peut-être vu ou pas. Ouais. Parce que j'ai pas fini encore. Tu continues de regarder? Ouais. Non, ça me fait marrer. Quand j'ai un petit peu de temps à tuer, je te regarde 3-4 épisodes comme ça d'affilée. Bah ouais. Je connais pas du tout. Moi aussi, si, je connaissais, mais j'ai pas suivi et j'ai pas trop regardé. Mais je connaissais avant, j'avais un petit peu regardé, mais j'ai pas fait la série. Okay. Je me la suis pas tapé dans l'intégralité. Oh. Mais du coup, donc, tout cet univers que là, j'ai vraiment soulevé 1% du tapis, là. Oui, j'imagine. Toi, qu'est-ce que t'en as passé d'Ishan? Qu'est-ce que j'en ai passé? Eh ben, Ishan. Eh ben, pas où commencer. En fait, je cherche pas où commencer, là. Bah, j'ai cru comprendre que t'avais beaucoup écouté. Non, mais, moi j'ai adoré. Ah bah ça m'étonne, ça m'étonne pas. Je suis tombé fan de ouf. J'ai tout écouté. Ah bah. Sauf le symphonique que je me suis gardé de côté parce que je sais pas pourquoi en fait. Je sais pas pourquoi. J'ai vu les deux. Pas et voilà. L'orchestrale version, je parle du dernier album. Ah ouais, c'est ça. C'est ça que tu parles. Donc celui-là non, je me le suis gardé, je l'écouterai hein, de toute façon parce que il y en a même que j'ai réécouté hein, j'ai même déjà un album préféré. Mais non moi j'ai trop adoré hein. Moi j'ai trop adoré et vraiment plus j'écoutais, plus je me suis dit putain, on dirait qu'il recherche à je sais pas à essayer d'exprimer vraiment une espèce de sentiment de folie. C'est black prog, voilà. Ouais, c'est pour ouais, ça que je dis parce ouais, que ouais, il y a toujours on sent toujours cette influence black quoi tout le temps. Mais vraiment il y a un truc en plus quoi et comme taper sur la table. Ouais. Ah je peux plus là. Non, pardon. Mais ouais non, j'ai trop adoré et il y a un élément que j'ai surkiffé aussi, c'est l'utilisation du saxo. Ah ouais? Ah. Je trouve que ça apporte un truc. En fait, j'en ai des si Bob écoute, j'en ai déjà parlé un petit peu avec lui. Mais tu sais, j'avais découvert Oxbow là. Ouais. J'avais vu un concert de Oxbow. Ah oui, pardon. Non, mais pourtant, je tape sur ma main, je me suis dit, ça va moins résonner. Avec justement Peter Brotzmann, le saxophoniste, là. Et j'avais trouvé que c'était dingue. Vraiment, ça exprime une espèce de, je sais pas, de folie intérieure et tout. Moi, je suis vraiment tombé de fan de cet instrument-là dans le métal, quoi. D'accord. Et là, dans le. C'est fou. Bah, c'est fou. Alors, je te conseille Fractal Universe, c'est un groupe français. Ouais. Et... Fractal univers. Alors attends, non, j'ai pas envie de redire une connerie que j'ai déjà dit. On en parlera plus tard. Okay, je vais checker parce que. Bon, bref, en tout cas, il n'y a pas que ça, hein, parce qu'il n'y a pas de saxo non plus dans tous les morceaux, mais c'est vraiment un truc, moi, qui m'a vraiment marqué. Ouais. D'ailleurs, dans l'album After, là, il y avait un titre, mais qui est oufissime, que je réécoute, pas en boucle, parce que je voudrais pas m'en dégoûter. Grave Inverted, là. Faudrait que tu l'écoutes, tu me dises ce que t'en penses. Moi, je l'ai trouvé fou. C'est vraiment le meilleur morceau pour moi qui exprime vraiment ce que tu peux ressentir avec le côté saxo. Mais tu sais, quand il crie, quand il hurle le saxo. Ah, là, d'accord. Tu ouais. vois ce côté oui, là, oui, là, le torturé, le saxo. Ouais, le torturé, quoi. Bon, mis à part, voilà. Non, moi, j'ai trop adoré tout ce qu'il fait. Musicalement, c'est ultra riche, ultra intéressant. Moi, je suis tombé dedans, je kiffe vraiment. Hein. J'ai été réécouter un petit peu d'Empereur aussi, donc là, on est vraiment plus dans du black pur. Ah bah oui, oui, oui. Mais ça reste quand même intéressant, il y a quand même de la recherche. Mais il y a une partie un peu mélodique, ouais, donc, ouais, ouais, qui doit venir d'Ishan, je pense. Je pense. Parce que vraiment... En écoutant, parce qu'il y avait vraiment... Voilà, tu sens que c'est travaillé, c'est stylé. Hein. Moi, j'aime bien quand c'est stylé, et vraiment, tout le travail qui produit, c'est stylé. Et... Non, moi, j'adore. Ouais, j'adore. Non, mais... Donc là, c'est immanquable, hein, direct. Hein. C'est un immanquable. Oh, de ouf. Ah ouais. Ah ouais. Non, tu peux pas manquer ça. C'est trop intéressant et je serais curieux de voir ce que ça peut donner en live. T'as des lives de dispo sur. T'en as beaucoup. Hein. Ouais, ouais. Et aux premières lignes, hein, parce que vraiment. Parce que dis-toi quand même que bon après 2012-2013, moi j'y étais pas. Ouais. 2022, il était là. Je suis pas allé. Ah. Et 2025, je pourrais me laisser tenter par l'expérience. ouais, puis surtout si t'es motivé, parce que en vrai, c'est vachement bien. C'est pas forcément. En fait, ma petite réticence sur ça, c'est que c'est tellement large qu'il propose que j'ai peur qu'en live, ça soit un peu, tu vois. Ouais, mais je vois pas où tu veux en venir quand tu dis large, parce que vraiment, il part pas non plus dans non, tous les non. sens, tu vois. Non, je sais, mais comme c'est large ce qu'il propose, j'ai un peu du mal à imaginer le concert. Ah oui. Tu vois, c'est un peu dans cet esprit-là. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que ça pour, enfin, quand tu commences vraiment à connaître que t'es fan et que tu, comme tu disais, chaque album, voilà, il y a une espèce de couleur ou quoi. Peut-être, ça pourrait être un peu déroutant de prendre des morceaux un peu de tel ou tel. Et encore, quoique, je pense que... Bah oui, mais quand t'es fan. Ouais. Quand tu connais pas tout, ça peut être un peu... Enfin, quand tu connais pas tout par cœur, ça peut être un peu, voilà. Ouais, ouais. Mais tout est bien, donc... Ah ouais, tout passe. Et je pense que même, tu peux prendre des morceaux ici et là et quand même rester sur quelque chose qui reste cohérent, quoi, à l'écoute. Donc, non, immanquable. Immanquable, très bien. Eh ben, je t'accompagnerai peut-être. Excellent. Merci beaucoup, Tonaï. Eh ben, avec plaisir. Ce fut un plaisir également. À partager. À la prochaine. Ciao. Ciao.